Qui a peur du Père Noël? Il était une fois une visite à mes parents qui vivaient dans la ville voisine. C'était Noël et, paraît-il, la fête des enfants. Tout fut pour moi étrange et neuf. Je n'ai cessé d'écarquiller les yeux pour essayer de comprendre ce qui se tramait. Je devais avoir dans les 6 ou 7 ans. Pendant ces vacances de Noël, on m'a donc emmené voir les illuminations et les manèges. J'ai été fascinée, happée, je dois dire, par ces étrangetés que je ne comprenais pas vraiment. Sans me demander si seulement j'avais envie de chevaucher ces bizarres structures en bois ou en métal coloré, je me suis retrouvée assise dans une petite voiture à pédales sur un manège illuminé et tonitruant. Plus qu'impressionnée, je n'osais même pas regarder au-delà du pare-brise de cette mini-voiture, et j'attendais que ça se termine enfin, espérant ne pas faire trop de bêtises. Ne parlons pas de poser les mains sur le volant ou sur les fausses pédales. J'attendais la fin du supplice. Or, il se passait quelque chose que je ne comprenais pas. Je voyais un pompon se balancer devant mon nez, pompon actionné par une main invisible qui semblait vouloir me dire quelque chose. J'étais bien trop terrorisée par ce qui se passait pour regarder plus loin que le bout du capot de la voiture, quand, au 10e passage du pompon au ras de ma tête, il s'est accroché au fameux pare-brise, et il est resté là jusqu'à la fin du tour, sans que je comprenne le but du jeu et que j'ose y toucher. Ce n'est qu'à l'arrêt de ce supplice que j'ai compris et que j'ai eu honte de ma bêtise. J'en ai été quitte pour faire un tour de plus, gratis. Mais ce n'était que le début des festivités. Puisque j'étais venue en ville, il fallait tout me montrer. Et j'ai eu droit au Père Noël en personne. Cette histoire de Père Noël ne m'avait jamais tracassée, car elle ne faisait pas partie de la culture de mes grands-parents. Seule une petite dizaine d'années s'était écoulée depuis la fin de la guerre, et les préoccupations de ma grand-mère, à Noël, étaient que j'aie des fruits confits et des oranges. Je ne trouvais rien à redire à cela, mais ma mère voulait me montrer le monde en 8 jours de vacances à la ville. Le fameux Père Noël se trouvait au premier étage d'un magasin nommé aux Dames de France, et il m'a beaucoup intimidée. Je me demandais pourquoi on prenait un si long escalier pour aller à sa rencontre, et je n'en menais pas large, ça ressemblait trop à une visite chez le médecin. J'ai retrouvé il y a peu une photo prise ce jour-là, en noir et blanc. Elle montre 2 enfants, mon frère et moi, debout, à côté d'un homme barbu, l'air renfrogné. J'étais tellement centrée sur mes émotions qui se bousculaient sans trouver une porte de sortie que mes souvenirs sont restés coincés dans mes neurones jusqu'à ce que la vue de la photo me restitue le film en entier. Je me revois, muette et craintive, prendre un nounours dans les bras et me placer à côté de ce personnage effrayant pour faire cette maudite photo souvenir. Ne voilà-t-il pas que ce triste personnage s'est mis dans l'idée de passer un bras autour de mes épaules? La terreur ressentie a été indicible, et je me souviens bien avoir été à la limite de faire pipi dans ma culotte. Je venais d'étudier à l'école la fable de la fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. Et j'étais certaine que ce raminagrobis n'allait faire qu'une bouchée de nous deux. La photo montre en outre que ce décor est indigent. Seuls 2 jouets, un ours en peluche et une petite voiture en bois, étaient prévus pour mettre dans les bras des enfants et faire la photo. Un sapin de Noël dans le dos du monstre n'est décoré que de 2 guirlandes. Et à son pied, on voit un sac en papier contenant quelques bonbons. Je suppose qu'il nous en a donné un à chacun. Sur cette photo, je n'ai pas l'air trop terrorisée bien qu'à l'intérieur de mon cerveau, tout soit sans dessus-dessous. Mon frère, de 3 ans plus jeune que moi, a l'air bien plus effrayé. Bref, on croit faire plaisir à ses enfants avec la magie de Noël, et voilà comment on est remercié, 70 ans plus tard.